Jamais Samuel n'avait pris le temps de vraiment regarder sa maison. Achetée en vitesse lorsqu'il était venu s'installer dans la région, il l'avait choisie pour son emplacement, à deux pas de l'aéroclub, et la considérait comme fonctionnelle. Or, elle était froide, anonyme, dénuée d'intérêt. Connaître Pérol le rendait-il plus exigeant, plus sensible à l'architecture ou au charme d'un lieu? Bien sûr, il vivait peu chez lui, ne rentrait que pour dormir et passait tous ses loisirs à voler, pas à rester enfermé entre quatre murs. Des murs blancs, lisses, percés de baies vitrées. Une grande pièce à vivre, agencée à l'américaine, occupait tout le rez-de-chaussée. Au premier étage, deux chambres, une vaste salle de bain et une lingerie pleine de placards offraient tout le confort possible. L'ensemble, moderne et clair, ne nécessitait que peu d'entretien. Naturellement, Marianne adorait cette maison, séduite par son aspect bien ordonné, par la pelouse carrée et la rangée de sages rosiers. Rien ici de gigantesque ni d'exubérant, rien à l'abandon, tout à fait le contraire de ses grandes propriétés en perpétuelle rénovation. Pascal a bien du courage. Elle va s'en voir de toutes les couleurs à Pérol. Ce doit être un gouffre. Ce commentaire narquois, Marianne l'avait répété à deux ou trois reprises, sans que Samuel réagisse. À quoi bon ? Tout ce qui concernait Pascal faisait rager Marianne, et au bout du compte, elle avait eu raison. Oui, Pascal était sa rivale. Oui, Samuel pensait toujours à elle, et même de plus en plus, depuis la nuit où elle l'avait appelé au secours. Il s'étira avant de se décider à sortir de son lit. Aucune intervention n'était prévue sur son planning ce 24 décembre. Néanmoins, il était d'astreinte et pouvait être bippé à tout moment. Ce qui ne l'empêcherait pas de se rendre à Pérol dans la soirée, en espérant qu'aucune urgence ne l'obligerait à regagner Purpan sur les chapeaux de roue. Aller réveillonner sans Marianne était plutôt un soulagement. Elle ne lui avait pas donné de nouvelles et il s'était abstenu de l'appeler, n'ayant rien à lui dire. Qu'elle ait mal vécu l'incident l'attristait. Cependant, il se refusait à lui mentir pour la consoler. À sa place, sans doute aurait-il agi de la même manière, avec le même sentiment de jalousie. Où réveillonnerait-elle ? Avec ses parents ? Il ne voulait pas l'imaginer seule dans son studio en train de pleurer. L'idée lui était insupportable. Marianne méritait d'être heureuse avec un homme qu'il aime vraiment, et il en était incapable. Ou du moins le serait tant que Pascal continuerait à le hanter. Pourquoi ne se résignait-il pas à l'avoir perdue ? La reconquérir semblait aussi impossible que l'oublier. Il se trouvait dans une impasse. En haut de l'escalier, il considéra son living d'un œil critique. Était-il vraiment agréable de mélanger le salon et la cuisine ? Serrant la ceinture de son peignoir en éponge, il frissonna. Ses baies vitrées étaient glaciales, au sens propre comme au figuré. Dehors, le ciel de plomb semblait chargé de neige, et il n'y avait pas un souffle de vent. Le calme avant la tempête. Il descendit, mit la bouilloire en route et prépara une petite flambée. La cheminée était à l'image du reste de la maison. Trop moderne avec son foyer fermé d'une vitre et encastré dans l'un des murs, à mi-hauteur. Regarder le feu dans ces conditions revenait à regarder la télévision. Amusé par cette comparaison, il prit la télécommande de sa chaîne IFI et chercha une station de musique classique. À l'instant où les accords d'une symphonie éclataient dans la pièce, le carillon de la porte retentit. Et merde ! En allant ouvrir, il s'attendait à n'importe qui sauf à Marianne. Engoncée dans un gros blouson matelassé, dont elle avait rabattu la capuche, elle paraissait transie. « Je peux entrer ?» La voix et le sourire manquaient tellement d'assurance qu'il en fut ému. « Bien sûr, viens te réchauffer. Je suis en train de faire du thé. » Elle le suivit, se débarrassa du blouson et passa sa main dans ses boucles blondes pour les discipliner. « J'ai pris une journée de congé !» annonça-t-elle, comme si cette explication justifiait sa présence chez lui. Il posa deux tasses sur le comptoir et mit du pain à griller en attendant que le thé infuse. « Je pensais que tu me téléphonerais !» lâcha-t-elle d'un ton de défi. Sans répondre, il poussa devant elle le beurrier, un pot de confiture et le sucrier. « Il faut qu'on parle, Sam. »« Je t'écoute. » Il patienta quelques instants, tandis qu'elle cherchait ses mots. « Peut-être me trouves-tu odieuse ? Ou mesquine ? Non, pas du tout. Je crois seulement que nous ne sommes pas faits pour nous entendre, parce que nous ne voulons pas la même chose. « Mais toi, tu ne veux rien !» s'exclama-t-elle. « En tout cas, tu ne veux pas de moi. Tu me rejettes. Tu me considères comme quantité négligeable. C'est difficile à accepter. » Durant 2 ou 3 secondes, il soutint son regard, et ce fut elle qui baissa les yeux la première. « Tu ne m'as rien promis, je sais, » dit-elle d'une voix étranglée. Elle était pâle, les traits marqués par l'effort qu'elle accomplissait. Venir le relancer, exiger d'inutiles explications, devait lui coûter, mais la connaissant, il savait très bien qu'elle continuait d'espérer malgré tout. Depuis qu'ils s'étaient rencontrés, elle passait son temps à recoller les morceaux, à se raconter des histoires. « Marianne, je suis vraiment dans la peau du méchant avec toi. Je ne peux pas te donner ce que tu souhaites et j'en suis désolée, crois-moi. Ce serait tellement plus simple si nous étions sur la même longueur d'onde. Mais ça ne se commande pas, je ne t'apprends rien. » Il avait parlé avec beaucoup de douceur, pour ne pas la blesser davantage. Dans le silence qui suivit, il versa le thé et alla chercher du lait. La seule solution consistait à être ferme, à ne pas se laisser attendrir, à ne pas retomber dans le piège d'une vaine réconciliation. « Qu'est-ce que je représente pour toi, Samuel ?» À cette question directe, il s'autorisa à répondre sincèrement. « Tu es une très jolie femme, très désirable, et aussi très vulnérable parce que tu es gentille, tendre, pleine d'illusions. Chaque fois que je te vois, j'ai l'impression pénible de profiter de toi. Et je veux que ça s'arrête, voilà. Je ne suis pas un salaud, Marianne. Je ne te l'ai jamais reproché. » Frémissante d'indignation, elle le saisit par le poignet. « Attends, Samuel, ce n'est pas une scène. Je ne suis pas venue pour t'accabler, ni te demander des comptes. Alors ne me chasse pas de ta vie, s'il te plaît. » Elle le lâcha, s'assit résolument sur l'un des hauts tabourets du comptoir et parvint à esquisser un sourire presque crédible. Consterné, il la dévisagea en silence. Offrait-il la même vision navrante à Pascal lorsqu'il s'accrochait à elle ? « Je ne te chasse pas de ma vie, » dit-il en pesant ses mots. « Je tiens à conserver mon indépendance, c'est tout. Tu n'as pas envie de ce genre de relation, Marianne. Sortir ensemble de temps en temps ne présente aucun intérêt pour toi. Pour personne, d'ailleurs. Mais quand il ne s'agit pas d'amour, à quoi bon faire semblant ?» Contrairement à ce qu'il craignait, elle ne se mit pas à pleurer. La tête penchée, elle tournait sa cuillère dans sa tasse d'un mouvement mécanique. Au bout d'un moment, elle murmura. « On peut rester amis, tout de même ?» La similitude devenait frappante. N'était-ce pas très exactement ce qu'il avait obtenu de Pascal, cette prétendue amitié qui permettait de ne pas tout à fait perdre l'autre ?« Si tu veux, » accepta-t-il à voix basse. Son thé était froid, il le vida dans l'évier et se resservit. « Ne fais pas cette tête-là, Sam. Je ne t'ennuierai plus, je te le jure. Et pour te le prouver, je vais t'accompagner à Pérol ce soir. Je m'étais promis de ne pas y mettre les pieds, mais c'est ridicule. Au retour, si tu veux, tu me déposeras chez moi. Un réveillon en copain, ça te va ?» Pris de court, il ne trouva strictement rien à répondre. «